إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours 18 dans l'explication de l'aqidah de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan. On est arrivé dans la partie où l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dit « Wa arwahu ahli sa'adati baqiyatun na'imatun ila yawmi yub'athun wa arwahu ahli shakawah mu'azzabatun ila yawmi d-din » Qu'est-ce qui signifie? Ça signifie que les âmes des gens du bonheur restent et continuent à être dans à goûter les délices jusqu'au jour où ils seront ressuscités, et les âmes des gens du malheur seront châtiées jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de la rétribution. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit « Hada azab al-qabr, wa azab al-qabr, au na'imuhu, dallat alayhi al-adilla al-mutawatira, fal-mu'min yun'amu fi qabrihi » ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها ويفرش له من الجنة ويوسع له في قبره مد بصره إلى أن يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخل الجنة والتنعيم ليس للروح فقط بل يكون للروح وللبدن وإن تحلل وصار ترابا فإنه يتنعم أو يعذب فالعذاب يقع على الروح وعلى البدن في القبر وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ليس على الروح فقط وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين والشقي والعياذ بالله تتصل به روحه في قبره ويعذب وروحه وبدنه كلاهما ينالهما العذاب fil qabri wa yata'allaman. Donc on va commencer par expliquer ça. Le Cheikh Salih al-Fawzan explique que qu'est-ce qu'on a lu par rapport aux paroles de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani est à propos du châtiment de la tombe. À propos du châtiment de la tombe. Et le Cheikh Salih al-Fawzan explique que il y a un châtiment de la tombe et il y a aussi les délices de la tombe. Et ça, c'est prouvé par des preuves mutawatira. C'est-à-dire que les preuves à ce sujet-là sont tellement nombreuses que c'est pas possible de douter de l'authenticité de ces narrations-là. Et le croyant, dans sa tombe, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait goûter à des délices et on lui ouvre une porte vers le paradis, et il y a de l'odeur et des délices du paradis qui rentrent dans sa tombe. Et on lui étend un tapis, parmi le tapis des tapis du paradis, qu'on lui étend dans sa tombe, et sa tombe s'élargit à une distance de jusqu'à où son regard peut regarder. Donc c'est comme s'il était dans un endroit très vaste et immense. Et il reste dans cet état jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse sortir de sa tombe jusqu'à ce qu'il soit ressuscité au jour de la résurrection, et puis ensuite il entrera au paradis. Et les délices auxquels il va goûter dans sa tombe, ce n'est pas uniquement son corps qui va jouir de, plutôt ce n'est pas uniquement son âme qui va jouir de ces délices-là, mais c'est son âme et son corps aussi. Donc les délices de la tombe, c'est pas uniquement pour le corps, c'est pas uniquement pour l'âme, mais c'est pour l'âme et le corps. Et même si, par exemple, son corps avait été complètement décomposé, hein, et qu'il était devenu de la poussière, eh bien, malgré tout, il va goûter au délice ou au châtiment selon ce qu'il aura mérité. Et la même chose pour le châtiment de la tombe, c'est un châtiment qui va atteindre l'âme et qui va atteindre également le corps dans la tombe. Et ça, c'est la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Donc, ce n'est pas uniquement l'âme qui va goûter au délice ou au châtiment, mais c'est l'âme et le corps ensemble. Et quand l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dit que les âmes des gens du malheur seront châtiées jusqu'au jour de la rétribution, qu'est-ce qu'on veut dire les gens du malheur? On parle de la personne qui est malheureuse, c'est-à-dire, wal'iyadu billah, la personne qui sera châtiée. La personne qui a fait le mal et qui sera châtiée. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire remettre son âme dans sa tombe, hein, et il sera châtié. Son corps et son âme ensemble vont goûter au châtiment de la tombe et vont souffrir de la douleur du châtiment. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit: وَالْرُوحُ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْبَدَنْ حَتَّى فِي الْقَبْرِ تَأْتِي وَتَذْهَبْ لِلْمَيِّتْ وَتَتَّصِلُ بِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بِمَشِئَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَالْرُوحُ لَهَا تَعَلُّقَاتٍ بِالْبَدَنْ لَهَا تَعَلُّقٌ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ يَحْيَى وَيَتَحَرَّكُ وَيَتَغَذَّى وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ لِأَنَّ الرُّوحَ تَتَّصِلُ بِهِ وَلَهَا اتِّصَالٌ بِهِ بَعْدَ وِلَادَتِهِ وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ بِهِ إِلَى أَنْ يَتَوَفَّى وَلَهَا اتِّصَالٌ بِهِ فِي النَّوْمِ لِأَنَّ النَّوْمَ وَفَاةٌ قَالَ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ وَتَتَّصِلُ بِهِ فِي الْقَبْرِ عَلَى مَا يَشَاءُ عَلَى مَا يَشَاءُ اللَّهُ ثم تتصل به بعد البعث وهذا الاتصال لا ينفصل بعد ذلك لا ينفصل بعد ذلك ويكون اتصالا كاملا لا انفصال بعده إما في الجنة وإما في النار فهذه اتصالات الروح بالبدن والله على كل شيء قدير كما ذكرها الإمام ابن القيم في كتاب الروح. Donc le cheikh explique les liens qu'il y a entre le corps et l'âme aux différentes étapes de la vie. Et il dit que le corps a un lien avec l'âme a un lien avec le corps, même dans la tombe. Et donc l'âme part et elle revient chez le mort et elle est reliée à cette personne, hein, à son corps, même dans sa tombe par la permission d'Allah. Et les liens qu'il y a entre l'âme et le corps sont divers. Premièrement, la première relation qu'il y a entre l'âme et le corps, c'est lorsque la personne ou elle est un fœtus dans le ventre de sa mère et que l'ange vient pour insuffler en ce corps ou en ce fœtus son âme. À partir de ce moment-là, le fœtus commence à vivre et devient vivant, et il bouge, et il se nourrit dans le ventre de sa mère. Donc, à ce moment-là, l'âme est reliée avec le bébé, dans le ventre de sa mère. Une autre relation qu'il y a entre l'âme et le corps, c'est lorsque l'enfant vient au monde, hein, et il reste attaché à ce corps, l'âme va rester attachée à ce corps jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, pendant toute sa vie. Il y a également un lien et un attachement au moment du sommeil. Lorsque quelqu'un va dormir, hein, c'est comme s'il mourait, c'est comme une petite mort, hein, au moment de yani, du sommeil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَّيْلِ. C'est-à-dire, c'est lui qui vous fait mourir pendant la nuit. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Et il sait ce que vous faites durant le jour. Et il y a un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَاللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Donc ça c'est dans sourate Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que durant la nuit, c'est lui qui reprend les âmes, hein, pendant le sommeil. Puis celui à qui il a prescrit la mort, eh bien l'âme ne revient plus en lui, tandis que celui à qui il a prescrit qu'il va rester encore en vie, il lui remet son âme jusqu'à son terme. Ensuite, le cheikh il mentionne également qu'il y a un autre lien entre le corps et l'âme, et c'est dans la tombe. Hein? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque quelqu'un meurt, les anges viennent et lui enlèvent son âme, hein? Et puis après, il remet, une fois que la personne est enterrée, il remet cette âme dans ce corps pour qu'il soit châtié ou soit qu'il goûte aux délices de la tombe. Puis, à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire quand il va ressusciter les hommes, à ce moment-là, il relie définitivement l'âme et le corps. Et ça, c'est après ce rattachement, ce dernier attachement entre le corps et l'âme, il n'y aura plus jamais de séparation entre le corps et l'âme. Parce qu'il n'y a plus de mort. Dans l'au-delà, il n'y a plus de mort. Donc c'est soit éternellement tu vas être au paradis ou en enfer. Naam. Et donc il n'y aura plus de séparation entre ce corps et cette âme par la suite. Et ça, c'est les différents attachements qu'il y a entre l'âme et le corps dans cette vie. Et Allah a le pouvoir sur toutes choses. Et c'est comme l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah l'a mentionné dans son livre Ar-Ruh. Il y a un livre qui s'intitule Ar-Ruh, c'est-à-dire l'âme, et il explique, il parle de certaines choses qui sont reliées à l'âme, telles que c'est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna. Ensuite, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَيُسْأَلُونَ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. C'est-à-dire que les croyants vont être éprouvés et questionnés dans leur tombe, et Allah subhanahu wa ta'ala va raffermir ceux qui ont cru par une parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, comme c'est mentionné dans le verset 27 dans sourate Ibrahim alayhi salam. Il dit le cheikh Al-Fawzan, wa min usul ahli sunnah wal jamaa'ah al-iman bi fitnat al-qabr wal fitna hiya as-su'al fal-mayyit yus'alu fi qabrihi. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه أي تعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له وما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له وما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روشها وطيبها ويفتح له فيها مد بصره. أما المنافق والمرتاب الذي عاش في الدنيا على النفاق وعلى الريب والشك فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيهم من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. نعم. Donc on va traduire jusqu'ici, puis après on va continuer. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit que parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunnah et de l'unité, il y a la foi en l'épreuve de la tombe. Et l'épreuve de la tombe, c'est les questions que les anges vont venir nous poser. Donc le mort dans sa tombe, il sera questionné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, que le serviteur, lorsqu'il est mis dans sa tombe, ses compagnons le quittent, hein, et il entend le bruit de leurs sandales qui s'éloignent. À ce moment-là, deux anges viennent s'asseoir près de lui. Et l'âme est remise dans son corps. Alors, les deux anges viennent et s'assoient près de lui et ils disent « Qui est ton Seigneur ?» Et il répond « Mon Seigneur est Allah. » Et il lui demande « Quelle est ta religion ?» Et il dit « Ma religion est l'islam. » Et il lui demande « Et quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous ?» Et il dit « C'est le messager d'Allah. » Alors ils disent « Et qui t'a dit ?» Hein, comment tu sais ? Il dit « J'ai lu le livre d'Allah et j'ai cru en ce livre et j'ai cru en ce livre et j'ai su que c'était la vérité. » Alors on entendra une voix appelée dans le ciel qui dira « Mon Seigneur, mon serviteur a dit vrai. » Alors mettez-lui un tapis du paradis et ouvrez-lui une porte du paradis et faites-lui porter des vêtements du paradis. Alors il va sentir de son odeur, de son parfum, hein, et on va lui ouvrir sa tombe et on va l'agrandir à la distance de son regard. Hein. Donc sa tombe va s'élargir. Et tout ça, donc, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées. Après, il dit, tandis que l'hypocrite, celui qui avait des doutes et qui a vécu dans la vie d'ici-bas, dans l'hypocrisie et le doute, eh bien, les deux anges vont venir et vont lui demander « Qui est ton Seigneur ?» Il va dire « Ah, je ne sais pas. Hein? » Et il lui demande « Quelle est ta religion ?» Il dit « Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. » Et il lui demande « Et quel est cet homme qui est venu parmi vous ?» Hein? Et il répond encore une fois « Ah, je ne sais pas. » Dans une autre narration, il dit « J'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et je l'ai dit moi aussi. » Comme s'il faisait juste répéter ce que les gens répétaient, mais il n'avait pas de foi, il n'avait pas de conviction. Et il dit, et à ce moment-là, on entend une voix qui appelle dans le ciel et qui dit, mon serviteur a menti, ou bien il a menti. Faites-lui un tapis de feu et faites-lui porter du feu et ouvrez-lui une porte vers le feu. Et il sent de sa chaleur et de sa fumée. Et on lui écrase et on lui rétrécit sa tombe sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrelacent, hein, les unes dans les autres, tellement sa tombe se rétrécit sur lui. Et ça, c'est rapporté par l'imam Abu Daoud. Après, il dit « Wa yu'minu ahlu sunnah wal jama'a bihada » وقد تواترت الأحاديث في عذاب القبر ولم ينكره إلا المعتزلة والعقلانيون الذين يعتمدون على عقولهم فهؤلاء ينكرون عذاب القبر والعياذ بالله ولا يعبؤون بالنصوص فلا يؤمنون بعذاب القبر ولا بنعيم القبر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن ميت أو من دفن الميت قال للحاضرين استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فيقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون له التثبيت قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولهذا قال الله لنبيه في شأن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فنهاه أن يقف على قبر المنافق يعني لا يقف يدعو له بالتثبيت وسؤال المغفرة وهذا يدل على أن المؤمن يقف على قبره ويدعى له. Donc le cheikh il explique ensuite que les gens de la sunnah ils croient en tout ce qui a été mentionné dans ces hadiths et ce sont des hadiths qui sont rapportés par un très grand nombre de narrateurs et ça c'est clair que ces choses-là sont authentiques au sujet du châtiment de la tombe et il n'y a personne qui a renié ces choses-là excepté les gens de l'égarement parmi les sectes d'égarement comme les Mu'tazila et les rationalistes Al-Aqlaniyoun qui prétendent eux qu'ils se basent sur la raison c'est-à-dire qu'eux ils disent nous on se base sur la logique comme Cheikh Al-Fawzan il mentionnait il dit à certains d'entre eux parfois ils vont à une tombe ils vont dans le cimetière et puis ils creusent dans le cimetière ils creusent un trou dans la tombe pour voir qu'est-ce qui se passe dedans est-ce qu'on voit les délices du paradis ou le feu de l'enfer dans la tombe de la personne. Et donc, eux, ils disent, puisqu'on ne voit rien, alors ça veut dire que ça, ça n'existe pas. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, ces gens-là? C'est que tout ça se passe dans le barzakh. C'est dans le barzakh, c'est-à-dire c'est une autre dimension, c'est une autre, un autre endroit qui, entre ce monde et le monde de l'au-delà, que même si tu vas creuser dans la terre, tu ne vas pas le voir. Mais c'est quelque chose de réel mais à un autre niveau donc que nous on ne peut pas le voir même si on va creuser physiquement on ne va pas le trouver mais c'est des réalités qui font partie d'une autre réalité, un autre monde et c'est ça ce que ces gens-là n'ont pas compris et la même chose parfois aussi pour les choses qui ont rapport avec l'au-delà le paradis et l'enfer et le jugement dernier ils essaient de juger ces mondes-là par les règles de cette vie d'ici-bas alors que c'est des mondes différents et donc on ne peut pas appliquer les mêmes règles qu'on applique dans notre vie à ces deux étapes ou ces deux périodes comme le barzakh ou bien l'akhira c'est des choses différentes donc ces gens-là ils rejettent les textes de la révélation et ils n'y croient pas Allah musta'an donc ils ne croient ni en le châtiment de la tombe ni en les délices de la tombe et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait terminé d'enterrer un d'entre les croyants de son époque il restait après l'avoir enterré et il disait à ceux qui étaient présents demandez pardon pour votre frère et demander à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah le raffermisse dans les questions parce qu'il est questionné en ce moment c'est-à-dire que les anges sont en train de lui poser les questions et ça c'est rapporté par l'imam Abu Daoud donc il se tenait auprès de sa tombe et demandait pardon à Allah pour lui et il demandait à Allah de le raffermir comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans sourate Ibrahim le verset 27 Allah raffermit ceux qui ont cru par une parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, dans Surat At-Tawbah, le verset 84, il ne prie pour aucun d'entre eux lorsqu'il meurt. Hein? Il ne prie jamais pour aucun d'entre eux qui meurt. Il ne te tient pas sur sa tombe. Ils ont renié la foi en Allah et en son messager et sont morts alors qu'ils étaient pervers. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se tenir sur la tombe de l'hypocrite, c'est-à-dire de se tenir à sa tombe pour invoquer Allah, pour lui demander pour lui la fermeté et la réponse, la fermeté dans la réponse qu'il va donner, et de demander le pardon pour lui. Donc il ne le faisait pas pour les hypocrites. Et ça, c'est la preuve que pour le croyant, c'est bien de rester à sa tombe après l'avoir enterré pour demander pardon pour lui et pour invoquer pour lui. Après, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit: وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادِ حَفَظَةً يَكْتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ. C'est-à-dire que les croyants, ils ont des anges qui écrivent leurs œuvres pendant la vie. Hein? Donc chacun d'entre nous, on a deux anges, l'ange à droite et l'ange à gauche, qui écrivent nos œuvres. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit: يؤمن أهل السنة والجماعة بالحفظة الكرام الكاتبين وهم ملائكة موكلون بحفظ أعمالهم بحفظ أعمال بني آدم فيكتبونها شرها وخيرها والملائكة عالم خلقهم الله من نور ولهم أجنحة كما قال الله سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فهم ذو أجنحة يطيرون ويصعدون وينزلون لأن الله أقدرهم على ذلك ونحن لا نراهم على صورهم وقد يأتون في صور آدمية لأننا لا نتيق رؤيتهم على صورهم الملكية فيأتون على صور رجال لئلا نفزع من رؤيتهم كما كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه في صورة دحية الكلب رضي الله عنه. Donc le cheikh explique que les gens de la sunna, ils croient également aux anges qui sont des scribes et qui écrivent nos œuvres. Et ce sont des anges qui sont chargés de préserver, d'enregistrer les œuvres des fils d'Adam. Et donc ils les écrivent, les bonnes œuvres ainsi que les mauvaises œuvres. Hein? L'ange à droite et l'ange à gauche. Hein? Ils écrivent qu'est-ce qu'on fait. Et les anges sont un autre monde, une autre création que Allah a créée, qui est différent de celui des êtres humains. Et les anges, eux, sont créés de lumière. Les anges sont créés de lumière. La source de leur création, l'origine de leur création, c'est la lumière. Tandis que l'origine de la création de l'homme, c'est la terre. Et l'origine de la création des djinns, c'est le feu. Hein? Et donc, les anges, eux, leur source de leur création, c'est la lumière. Et ils ont des ailes. Les anges ont des ailes. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, dans Surat Fatir, le premier verset, qu'il a créé des anges qui sont des messagers et qui ont différents nombres d'ailes. Tous les anges n'ont pas le même nombre d'ailes. Il y en a qui ont deux ailes, il y en a qui ont trois ailes, il y en a qui ont quatre, et il y en a qui ont beaucoup plus que ça. Hein? Il dit, il augmente sa création comme il veut. Et Allah et a le pouvoir sur toutes choses. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que Jibril alayhi salam a 600 ailes. Avec un seul de ses ailes, il couvre l'horizon au complet de la terre. Donc ça veut dire Jibril, il est un ange immense. Dans son image réelle, dans son apparence réelle, il est immense. Mais quand il apparaît aux êtres humains, il apparaît dans une apparence humaine. Ils n'apparaissent pas dans leur vraie apparence d'ange. Parce que les êtres humains, ils ne pourraient pas supporter de voir les anges dans leur vraie apparence. Hein? Les êtres humains, s'ils voient quelque chose un petit peu surnaturel ou un peu extraordinaire, ils paniquent, ils commencent à avoir peur. Les êtres humains sont très peureux. Donc, ils ne peuvent pas supporter de voir les anges dans leur vraie image. Alors, ils apparaissent, les anges apparaissent dans une apparence d'être humain, hein, pour ne pas les effrayer, pour ne pas effrayer les êtres humains. Et Jibril, alayhi salam, quand il apparaissait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il venait en présence des autres compagnons, parfois, quand les compagnons étaient là, et il prenait l'apparence de Dahiyat al-Kalbi. Un autre parmi les compagnons, il ressemblait à ce compagnon-là. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Il dit « وَالْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ السِّتَّةِ كَمَا فِي حَدِيثِ جِبْرِيلِ لَمَّا سَأَلَهُ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم إِنْ تُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدره وتؤمن بالقدر خيره وشره. Le cheikh explique ici que la foi en les anges, ça fait partie des six piliers de la foi. C'est-à-dire que c'est un des éléments obligatoires pour le croyant et il est obligé de croire en ça s'il veut être un mu'min. Et lorsque Jibril alayhi salam a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi, qu'est-ce que c'est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois en la prédestination. Qu'est-ce qu'Allah a prédestiné de bien ou de mal, comme c'est rapporté par l'imam Muslim. Et il faut savoir que les anges sont de différentes catégories. Il y a différentes catégories d'anges et que chaque catégorie ont une tâche bien spécifique. Et donc, le cheikh, il donne des exemples de ça. Il dit: منهم من هو موكول بحفظ أعمال بني آدم. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهم يحصون أعمال بني آدم. ويدونونها عليهم خيرها وشرها بأمر الله سبحانه وتعالى وهم الكرام الكاتبين. قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم يكتبون أعمال بني آدم وهم يتعاقبون علينا بالليل والنهار. فهناك ملائكة يلازمون العبد في النهار ويكتبون ما يصدر منه وملائكة يكتبون أعمال العبد في الليل. في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ففي صلاة الفجر يصعد الذين باتوا فينا ويأتي ملائكة النهار وفي صلاة العصر يصعد الذين كانوا معنا في النهار ويأتي ملائكة الليل وهكذا دائما وأبدا ولهذا صلاة الفجر تطول فيها القراءة قال الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فسمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة وقوله مشهودا أي محضورا تحضره الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار وصلاة العصر هي صلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين تحضرها معنا الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار. Donc en ce qui concerne l'exemple des tâches d'une catégorie d'entre les catégories d'anges, c'est ceux qui sont chargés de préserver et d'écrire nos œuvres. Et il mentionne, parce qu'on en a parlé déjà dans certains des cours précédents, on a mentionné cette catégorie d'ange déjà, mais le cheikh il le clarifie encore un peu plus. Et il cite le verset dans Sourate Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique que les anges écrivent qu'est-ce qu'on fait. C'est dans le verset 18 dans Sourate Qaf, il dit: il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'écrire. Donc ça c'est par rapport aux anges, parce qu'il dit quand les deux recueillants c'est les deux anges al-mutalaqiyan, et il dit assis à droite et à gauche recueille. Il يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Donc ils sont assis à droite et à gauche et ils écrivent et ils attendent. Toute parole qui sort de notre bouche, hein, ils l'écrivent. Et ils notent les actions et les paroles des fils d'Adam. Et ils le mettent dans un livre. Que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises actions, des bonnes paroles et des mauvaises paroles, ils écrivent par l'ordre d'Allah. Et ce sont les nobles scribes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en les décrivant dans Surat Al-Infitar, versets 10 et 12, vous avez sur vous les hafidhin, c'est-à-dire des anges qui écrivent et qui préservent. Kiraman katibin, de nobles scribes. Ya'lamuna ma taf'alun, ils savent ce que vous faisiez. Donc ils écrivent les œuvres des fils d'Adam et ils se relaient le jour et la nuit. Il y a les anges qui restent avec les serviteurs pendant le jour et ils écrivent ce qu'ils font. Et il y a des anges qui viennent par la suite faire le relais et qui suivent et qui écrivent les œuvres des hommes pendant la nuit. Et comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les anges se relaient les uns les autres, les anges de la nuit et les anges du jour. Et ils se réunissent à deux moments de la journée, à la prière de Fajr et à la prière de Asr. Hein? Et donc, à ces moments-là, ceux qui sont restés avec nous pendant la nuit, ils remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala leur demande, alors qu'il connaît mieux qu'eux, et il leur demande: comment avez-vous quitté mes serviteurs? Et les anges disent: nous les avons quittés alors qu'ils faisaient la salat. Et nous leur sommes arrivés, hein, nous sommes arrivés vers eux alors qu'ils faisaient la salat. C'est-à-dire ils arrivent au moment de salat al-asr et ils quittent au moment de salat al-fajr. Donc ceux qui viennent le jour, ils viennent de fajr à asr. Et ceux qui viennent la nuit, ils viennent de asr à fajr. Hein? C'est ainsi qu'il se relaie. Et ça dure comme ça tous les jours. Et c'est pour ça que Salat al-Fajr, yani, on récite longtemps dans la récitation, dans la prière de Fajr. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, la récitation de la prière de Fajr, elle est mashhouda. C'est-à-dire que les anges sont témoins de cette prière-là et de cette récitation-là, parce que c'est au moment où il y a le relais entre les deux groupes d'anges, ceux du jour et de la nuit. Et on l'appelle Salat al-Fajr dans le verset. Allah subhanahu wa ta'ala appelle la Salat al-Fajr, il l'appelle Qur'an al-Fajr. Donc il l'appelle Qur'an, la prière il l'appelle Qur'an. Pourquoi? Parce que dans cette prière, la récitation du Qur'an est longue. Donc il l'appelle Qur'an al-Fajr. Et il dit Kana mashhuda, c'est-à-dire que les anges sont présents au moment de cette prière-là. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils se relaient. Et la prière de Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle dans le Qur'an Salat al-Wusta, c'est-à-dire la prière du milieu. Et c'est une des meilleures prières de la journée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 238 dans Surat al-Baqarah: gardez les prières et la prière du milieu, Salat al-Wusta, wa qumu lillahi qanitin, et tenez-vous debout devant Allah en obéissance. Et donc pourquoi? Parce que c'est un moment où les anges se relaient également. Donc ces deux prières-là sont particulières, la prière de Fajr et la prière de Asr. Et il dit ensuite وَمِنْهُمْ صَنْفْ مَوْكُولٌ بِحِفْذِ ابْنِ آدَمْ يَحْفَظُونَهُ أَنْ يُصِيبَهُ شَيْءٍ أَوْ أَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ أَحَدٍ قال تعالى يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ أي يحفظون العبد بأمر الله إلى أن يأتي قدر الله المقدر عليه فيتخلعون عنه فينفذ فيه ما أراده الله سبحانه وتعالى قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله ولذلك قد يدخل العبد في مخاطر وفي أرض هوام وسباع وأرض ثعابين فلا يصيبه شيء لأن معه ملائكة يحفظونه بأمر الله عز وجل وهؤلاء يسمون المعقبات. Donc le cheikh explique qu'il y a d'autres anges qui sont chargés de protéger les êtres humains, hein, de préserver les hommes contre les dangers, contre les différentes choses qui peuvent, hein, les atteindre. Et c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, yani dans le Coran, lorsqu'il dit yani que l'homme a par devant lui et par derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par l'ordre d'Allah. Donc ça c'est pour dire qu'il y a des anges qui le protègent. Et ils le préservent par l'ordre d'Allah, jusqu'à ce que vienne la prédestination d'Allah. À ce moment-là, ceux qui ont été prédestinés arrivent et eux, ils s'enlèvent. Ils laissent la prédestination d'Allah avoir lieu. Et ce que Allah a voulu est exécuté. Et donc c'est pour ça qu'il dit parfois un serviteur peut être dans une situation où il y a un danger quelconque, dans une terre où il y a des animaux sauvages ou des bêtes sauvages ou des loups, des choses comme ça, des renards ou d'autres bêtes qui peuvent l'attaquer et il n'y a rien qui lui arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui le préservent par le commandement d'Allah. Et on appelle ces anges al-mu'aqibat. Naam. Il dit également le cheikh hafidhahullah, cheikh al-Fawzan, il dit wa minhum mala'ikatun mawkuluna biqabd al-arwah wa ra'isuhum malakul maut. Qala ta'ala قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وله أعوان من الملائكة على قبض الروح وسياق الروح من الجسد ثم إذا اجتمعت أخذها ملك الموت فقبضها قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا أي الملائكة وهم لا يفرطون. Donc le cheikh il mentionne que il y a d'autres catégories d'anges qui sont chargés d'attraper les âmes, au moment de la mort. Et le chef de ces anges là c'est l'ange de la mort. Et comme c'est mentionné dans sourate As-Sajda, hein, dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète, dit au Mohammed, l'ange de la mort va prendre votre âme, hein, celui qui a été chargé de vous, yani de prendre votre âme, puis vous retournerez vers votre Seigneur. Et l'ange de la mort, il a d'autres anges qui l'aident. Hein, il a d'autres anges qui l'aident dans cette tâche-là. Et, naam, donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'aident à attraper les âmes des morts, hein, pour enlever leur âme de leur corps. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc lorsqu'ils se réunissent, Hein, lorsqu'ils ont réussi à enlever l'âme dans la personne, eh bien, l'ange de la mort vient et il l'attrape. Et il cite le verset 61 dans Surat Al-An'am à ce sujet-là. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, c'est-à-dire les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Donc c'est la preuve que l'ange de la mort, il n'est pas tout seul. Il y a d'autres anges qui travaillent avec lui. Il dit également, « وَمِنْهُمْ الْمَلَكْ الْمَوْكُولُ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ وَهُوَ إِسْرَافِيلُ ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض فيموتون ثم ينفخ فيه أخرى فيحيون فهذه نفخة البعث. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Il y a également un autre ange qui est chargé de souffler dans la trompe ou dans le clairon au jour de la résurrection, et ça, son nom c'est Israfil, et il va souffler plusieurs coups, hein, il va souffler plusieurs coups. Il y a le premier coup qu'il va souffler, et c'est le coup du foudroiement. Tout ce qui existe dans les cieux et la terre va mourir, hein, va être foudroyé. Puis il va souffler un autre coup, hein, encore une fois, et ils vont revenir à la vie, hein, et ça c'est le coup de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans le verset dans Surat Az-Zumar, le verset 67. Il dit, et on soufflera dans le clairon, et tout ce qui est dans les cieux et dans la terre sera foudroyé, excepté ceux que Allah a voulu. Puis on soufflera encore une fois dedans, et les voilà qui seront debout à regarder, hein, qui se tiendront debout en regardant. Par rapport au nom des anges, il y a certains anges à propos desquels Allah nous a révélé les noms. Il y a comme Jibril, alayhi salam, on connaît son nom. Israfil, celui-là qui est mentionné. Il y a Mikael, hein, Mikael aussi. Il y a aussi Munkar et Nakir, c'est le nom des deux anges qui viennent dans la tombe pour poser les questions à celui qui meurt. Par contre, j'ai remarqué une chose aussi, c'est que chez les soufis, dans leurs livres, ils racontent des fois les noms d'anges qu'on n'a jamais entendu parler. Et ils inventent des noms, en fait, c'est même pas des noms d'anges, parfois c'est des noms de shayatin. Et parce qu'ils utilisent en fait le sihr, beaucoup de soufis, ils utilisent la sorcellerie et le sihr pour égarer les gens. Donc j'ai vu dans leur livre, ils mentionnent des noms d'anges, personne n'a jamais entendu parler de ces anges-là. Et eux, ils disent, nous on a des connaissances secrètes que personne ne peut connaître, on connaît le nom de ces anges-là. En réalité, ce sont les noms des anges, pas des anges, mais le nom des diables. Et ils appellent ces anges-là pour venir à leur secours ou des choses comme ça, ou pour faire des choses pour eux. C'est des gens qui travaillent les anges, avec les diables et les djinns, donc ce sont des sorciers en réalité. Donc beaucoup de ces chouyours soufis, des marabouts là comme ça, là, eh bien, ils sont des sorciers en réalité. Allah musta'an. Donc, ensuite, le cheikh, il mentionne encore trois catégories. On va mentionner les trois catégories, puis on va s'arrêter là. L'autre, c'est, il dit, « Minhum al-malakul mawkul bil-wahi wa huwa Jibril. » Il y a l'ange qui est chargé de transmettre la révélation au prophète. Et ça, c'est l'ange qui s'appelle Jibril, alayhi salam. Il y en a un autre, il dit, « Wa minhum al-malakul mawkul bil-qatr wa huwa Mika'il. » alayhi salatu wassalam. Et c'est un ange qui est chargé des gouttes de pluie, hein, et qui s'occupe de ça. Donc c'est Mikaïl alayhi salam. Wa minhum man yunaffidh awamir Allah fi as-samawati wal ard idha amara bil amri fa inna al malaika tanzilu bihi ila haythu sha'a Allah azza wa jalla wa tunaffidhuhu fil kawn. فكل فريق منهم له عمل خاص موكول به. Donc le cheikh il dit également, il y a des anges qui sont chargés de mettre en exécution certains des ordres d'Allah dans les cieux et sur la terre, et lorsqu'il leur donne quelque chose, eh bien il y a des anges qui descendent pour exécuter cet ordre là où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et il l'exécute dans la création. Donc chaque groupe d'anges ont une tâche, un travail qui lui est particulier et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme responsabilité. Donc ça c'est notre foi par rapport aux anges, hein? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera inshallah demain bi'idhnillah la suite donc de la aqida de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui est en fait la aqida de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, la aqida des salaf al-Salih. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام مختار.